maladie d'amour, maladie des amoureux. Chacha si moi mais moi, ou à mâcher l'œil et moi. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Chacha si moi mais moi, ou à mâcher l'œil et moi. Pich mimi, piti, ipiti tout piti. Si on dit c'est pas grave, mes amis méfiez-li. Quand il t'est li en l'air, veillez garder l'angli. En bout de l'issé l'amant, c'est mitière en batte. En bout de l'issé l'amant, c'est mitière en batte. Oh, maladie d'amour, maladie des amoureux. Chacha sur moi mais moi, ou à marcher d'ailleurs moi. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Chacha sur moi mais moi, ou à marcher d'ailleurs moi. Piche mimi piti. Et petit tout petit, si on dit c'est pas grave, mes amis méfiez-les. Quand ils t'aident lits en l'air, veillez garder l'angli. En bout de lits c'est l'amour, c'est mitière en batte. En bout de lits c'est l'amour, c'est mitière en batte. En bout de lits c'est l'amour, c'est mitière en batte.